错了。 Je te recontacterai quand il le faudra avec ce téléphone. Tu dois toujours l'avoir avec toi. En attendant, fais ce qu'on m'a dit. Branle-toi. Branle-toi.Tu me racontes les choses, je sais déjà tout, tu n'es qu'un pauvre con. Tu t'es fait avoir comme un gueux, n'est-ce pas? Baisse ton pantalon, pauvre demeuré, sors-moi ta queue. Plus vite que ça, ça c'est de la belle ouvrage. J'aimerais qu'elle s'occupe de moi avec courage.